J'ai donné le meilleur de moi, mais ça n'a pas marché. Dans les prés, dans un taillis, je sais pas où je m'enfuis. Dans tes bras, dans un abri, je sais pas où je m'enfuis. Dans les rêves, dans la folie, je sais pas où je m'enfuis. Dans les rêves, dans un endroit, je sais pas où je m'enfuis. Dans les rêves, dans les rêves, dans la vie, je sais pas où je m'enfuis. J'ai refusé d'être moi, alors tout est tout est toujours le je sais pas où je m'enfuis. Dans tes mains de ta bonté, je sais pas où je m'enfuis. Dans les sourires des textes, je sais pas où je m'enfuis. Dans ce qui reste d'énergie, je sais pas où je m'enfuis. Dans la masse, dans les conflits, je sais pas où je m'enfuis. J'ai exprimé tout haut les pensées des qui pensent seulement. Dans les compréhensions, dans les je sais pas où je m'enfuis. Dans les artifices, dans les logiques, je sais pas où je m'enfuis. Dans le haut, dans le haut, dans les sens, je sais pas où je m'enfuis. Dans les ruses contaminées, je sais pas où je m'enfuis. La nourriture, tout ce qui est restauré, je sais pas où je m'enfuis. Dans la grande phobie qui m'ont dit, je sais pas où est ma destinée. Jusqu'à ce que je devienne là qui a été. D'ici que ça aille mieux, d'ici que ça aille mieux, d'ici que ça aille mieux, d'ici que ça aille mieux. Oh.